la première partie, on va continuer sur l'aspect data marketing et on va parler du funnel de conversion. Vous avez certainement vu ça au cours, de marketing. Vous avez vu le funnel de conversion? Non. Bon, vous avez un cours de marketing? Ouais. Et vous allez bientôt le voir. Alors, on va peut-être précéder le cours de marketing. On va voir un petit peu en quoi ce funnel de conversion marketing s'adapte excessivement bien dans tout ce qui est web marketing et emailing marketing. Et puis, on va passer à des stratégies de contenu. On va voir comment Google nous propose une stratégie, une hiérarchisation du contenu sur la théorie des 3 H. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Hero, Hub et Hygiene Content. Et puis, pour la petite partie des récréations, on va revenir à des choses très créatives. Comment est-ce que la publicité doit également rentrer dans des choses beaucoup plus digitales. Et si on a le temps, on va faire un peu condenser, on va avoir également une partie sur le meme et les meme-vertising. Vous voyez ce que c'est un meme? Ouais. Quand même. On va voir également comment est-ce que le marketing essaye de récupérer cette technique. Et puis, chose promise depuis plusieurs semaines, je tiens quand même mes promesses, pas toujours à l'heure, mais si vous allez sur bit.ly/bits, donc bit.ly/icom2017, vous allez retrouver le PDF reprenant l'essentiel des cours précédents, sans les vidéos. Je vous rassure, je ferai un petit condensé donc, au dernier cours avec le récapitulatif de ce qui est important, et je vous ferai un lien vers les vidéos les plus importantes également pour l'examen. Alors, un funnel de conversion. Vous avez certainement vu dans des présentations ce genre d'entonnoir renversé. C'est un outil très important. Avec la communication et le marketing sont aujourd'hui beaucoup plus focalisés sur le return on investment, le data et le digital, poussé par le digital, et on l'a vu la semaine passée, prend une importance énorme dans le métier d'un marketeer et d'un communicateur. Et donc, on a de plus en plus d'outils et de modèles également qui nous permettent théoriser l'approche qu'on doit mettre en place pour faire en sorte qu'un annonceur continue à vendre et à fidéliser aussi ses clients. Le funnel de conversion, c'est tout simplement voir un petit peu les différents niveaux d'investissement qui peuvent être faits et les niveaux de conversion entre les plateformes existantes. Vous avez vu qu'on a parlé du pay, du owned et du earned. Ça permet également d'inclure les différents médias, les différents touchpoints qui sont utilisés et de voir quelle est l'efficacité de conversion. Ça parle un peu chinois pour le moment, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai mis quelques définitions que je ne vais pas vous lire ici, mais qui vont vous permettre d'y voir un tout petit peu plus clair. Commençons par ceci. Donc le funnel de conversion, le funnel marketing, c'est un outil qui va vous permettre de visualiser en fait ce qu'on appelle le customer journey. Alors le customer journey, c'est le chemin qu'on fait quand on est intéressé par un produit et on passe du statut de prospect à personne un peu plus intéressée qui va commencer à chercher de l'information sur différentes marques avant de passer à l'acte d'achat. Et puis une fois qu'on est acheteur et qu'on est client, le truc des marketeers, c'est de faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible client, que vous soyez le plus satisfait possible, que vous puissiez devenir le meilleur ambassadeur de la marque et donc générer du média dans le herd et également nous amener des nouveaux clients en plus de racheter des produits chez nous. Donc ça fait partie, en fait, ce funnel va nous permettre de représenter ce chemin de l'acheteur. Et donc on va avoir un prospect qui va descendre dans le funnel. Et évidemment, à chaque étage, on va perdre une partie des gens. Donc si le premier étage, c'est celui de la notoriété, où là, on va utiliser les médias traditionnels, la pub, de l'emailing marketing, du bannering, etc., pour essayer de parler à une grande audience et dire, écoutez, on a un truc intéressant à vous proposer, le nouveau modèle de la Skoda Kodiaq qui vient de sortir, un nouveau SUV, et donc on va essayer de parler à un large public. On va faire de la notoriété et de l'image. Alors on va toucher un certain nombre de gens, mais parmi ces gens, il y en a plein qui ne sont pas du tout intéressés par le produit, pas du tout intéressés par la marque. Donc il est clair que il y a certaines personnes qui vont considérer éventuellement l'achat du produit, mais on va avoir un pourcentage du nombre total de gens qu'on aura touché. Et ce pourcentage, en fonction des marchés, va varier, mais si on touche un million de personnes ici, on va peut-être finalement avoir 20 000, 30 000 personnes qui vont être intéressées potentiellement ce mois-là par l'achat de la voiture. Et puis, on va combien de gens qui sont intéressés potentiellement, qui vont aller chercher de l'information et qui vont rentrer, qui vont aller sur le site, qui vont télécharger des choses, qui vont demander une offre, qui vont faire un test drive, je prends le secteur de l'automobile, mais je pourrais faire ça dans d'autres secteurs. Il va y avoir un taux de conversion où ce sont des gens qui réellement vont demander une offre et puis vont devenir acheteurs. Et puis, ben, il y a une partie de ces acheteurs qui vont être loyaux et on va essayer après d'en faire les meilleurs avocats, les meilleurs ambassadeurs. Ça, c'est le principe. Alors, vous allez voir dans la littérature marketing et sur les sites, il y a plein de funnels qui ont des définitions un peu différentes. Le principe, néanmoins, reste toujours le même. Et ce qui est important dans une stratégie digitale, c'est d'essayer d'améliorer l'entrée du funnel, d'une part. Évidemment, l'entrée du funnel va dépendre de quoi ? De votre budget. Parce que c'est très bien de faire de la pub, mais si vous avez un tout petit budget, vous n'allez évidemment pas toucher le même nombre de personnes. Donc, le deuxième objectif du marketeer, c'est d'augmenter le taux de conversion à chaque étage. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien là, il y a les stratégies de contenu qui vont intervenir et l'analyse du data. Essayer de mieux profiler. On a vu le système RFM qui permet de le faire. Il y a d'autres trucs où on va essayer de rester... Oui ? Pardon. Mais il y a plein de trucs qui sont notés là. Hein. Bon, mais oui, je vais aller un peu moins. Donc, pas pour récapituler, mais vous allez retrouver aussi dans des modèles, on va vous parler du top du funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel qui ne vont pas avoir exactement les mêmes approches et les mêmes stratégies. Le top of the funnel, l'objectif c'est d'attirer des prospects, pas forcément des acheteurs. C'est offrir, c'est faire de l'image. C'est offrir du contenu qui va susciter l'intérêt. On est vraiment dans une stratégie d'attraction. Le milieu du funnel, là, on va essayer de générer du lead. Ça, c'est quand même important. Là, on est dans une problématique d'image, de séduction. Là, on est dans une problématique de générer du lead. Les gens nous ont considéré comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'ils aillent un pas plus loin, qu'ils se sont informés et on doit les titiller. Est-ce qu'on va leur mettre en avant une offre, une promotion, une ristourne, est-ce qu'on va les valoriser, est-ce qu'on va les inviter à un événement un peu spécial. Enfin, il y a plein de stratégies de communication qui vont permettre instantanément d'essayer de pousser le lead. Et le bottom du funnel, ben c'est quand on a converti et c'est là que commence en fait la relation avec l'acheteur et on va essayer d'avoir une relation sur le long terme. Faire en sorte qu'ils reviennent, qu'ils rachètent et puis qu'ils recommandent notre marque ou notre produit. Alors, je vous parlais de top, middle et bottom. Il y a des gourous marketing qui vont vous parler de stratégies tofu, mofu et bofu. Ça n'a rien à voir avec un repas végétarien. C'est simplement le top of the funnel. Le middle of the funnel et le bottom of the funnel. Juste pour votre culture, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est des approches un peu différentes. Si on est dans le top du funnel, comme je le disais, on va essentiellement faire de la pub et en tout cas des campagnes de notoriété. On va essayer d'apporter des vidéos, des guides d'information. On va essayer de séduire les gens. De la manière pour venir traditionnelle au niveau publicitaire. Quand on est dans le MOFU, on va essayer de générer là le prospect, on va mettre en avant des témoignages, du sampling, des brochures, proposer un test drive, etc. Et puis quand ils sont encore plus convaincus, on va proposer des essais gratuits, une démonstration, jusqu'à au dernier coupon pour le décideur. Je vais retenir les grands principes. Ce qui est très important dans le monde marketing qui est de plus en plus data-driven, c'est qu'à chaque étage, et normalement n'importe quel annonceur peut vous dresser une carte de son, du chemin du consommateur avec des taux de conversion. Alors, il va le faire soit sur des taux de conversion en général, soit des taux de conversion sur son site, s'il a des choses à vendre, soit des taux de conversion d'ouverture d'email, etc., etc. Donc, on va voir, par exemple, ici, c'est l'emailing marketing. On envoie à 2 millions ou à 500 000 personnes un emailing qui propose un nouveau produit ou, je reprends, un nouveau modèle chez automobile. 99% des emails ont été réellement délivrés. Il y avait peu d'erreurs dans la base de données. Il y a peut-être 1% des gens qui n'ont plus cette adresse email ou ont mal encodé. Il y a un taux d'ouverture de entre 10 et 25%. Parce que, et vous aussi, vous, je ne sais pas combien de mails vous recevez par jour et de messages publicitaires vous recevez, mais vous ne les ouvrez pas tous. Vous regardez le sujet, puis vous dites ça, je vais deleter directement. Ça veut dire que le taux d'ouverture, il est restreint. Alors, parmi les gens qui ont ouvert, il ne suffit pas d'ouvrir et juste de regarder en quelques secondes, il faut encore cliquer. Sinon, vous avez juste regardé, puis vous ne faites rien, vous restez dans la nature, et là, l'annonceur vous a délivré un message, mais il n'a aucun contact avec vous. Et souvenez-vous, la semaine passée, on a parlé de l'importance du CRM, du Customer Relationship Management. Ceci, le funnel de conversion, fait partie des stratégies de CRM et ce taux de conversion est vraiment important. Alors, les gens qui ont ouvert le mail, cliqué sur un des endroits du mail pour se retrouver soit sur une partie du site, soit sur un des réseaux sociaux de l'annonceur, il faut ensuite que la personne passe au call to action. Call to action, c'est l'annonceur qui décide d'une action qu'on voudrait que le visiteur du site fasse. Ça peut être plein de choses. Ça peut être télécharger une brochure, faire une demande de rendez-vous, faire un test drive, ça peut être télécharger un white paper, ou ça peut être acheter directement online. Ça, ce sont des exemples, ce n'est pas les seuls, de call to action. On veut forcer, convaincre le visiteur à faire cette action-là. Et donc la conversion, vous voyez que par rapport à tous les gens qui auront été touchés par l'email, on va finalement avoir un taux de conversion final seulement entre 1 et 4%. Et c'est très large, mais tout va dépendre aussi, on va le voir plus tard, du type d'email et dans quelle catégorie on est. Un email en cosmétique par rapport à un email dans le secteur automobile ou dans le secteur pharmaceutique ne vont pas avoir en moyenne les mêmes taux d'ouverture. Les taux d'ouverture vont être significativement différents si vous êtes client de la marque qui vous envoie un email ou si vous êtes un prospect. Les taux d'ouverture sont en général plus importants si vous êtes client. Donc voilà, vous voyez un petit peu le principe. Ce qui est très important, et on va y revenir, c'est cette partie-là où auparavant le marketing s'arrêtait à faire de la conversion et puis générer une vente, et on était très contents. Aujourd'hui, dans toute la réflexion, et notamment avec toute la partie earned media, on essaye de pousser la satisfaction du client et faire en sorte qu'il devienne lui-même un nouveau média et un nouvel ambassadeur qui va pouvoir parler positivement de son expérience avec notre produit. Et donc c'est pour ça que vous avez peut-être été déjà mis face à des simples questionnaires de satisfaction de marques avec lesquelles vous avez eu une relation commerciale. Ce qui est important, c'est et que ces annonceurs ont envie de mesurer quel est votre niveau de satisfaction pour ensuite, souvenez-vous, dans le modèle RFL, aussi à ce moment vous classer et dire ces personnes-là sont satisfaites, achètent relativement souvent, donc sont des ambassadeurs potentiels. On va commencer, on va leur proposer de les intégrer dans un programme d'ambassadeurs. Vous allez pouvoir être rewardé, vous allez gagner certains avantages si vous invitez un ami, une amie à acheter également le même produit. Ça s'appelle les programmes Member Get Member. Vous avez certainement vu ça. Les banques font pas mal ça. C'est ramener un nouveau client chez Quitrai et on vous met 150 euros sur votre compte pour chaque client ramené. Alors, ça vous paraît important. En fait, le coût d'acquisition d'un client dans la nature est plus élevé que les 150 euros qu'on va vous offrir parce que vous-même, vous ramenez le client. Donc, on n'a pas dû mettre en place de l'emailing, de la publicité, etc. C'est vous-même qui apportez un client et la banque est très contente de ne verser que 150 euros pour ça parce que normalement, le coût d'acquisition est le plus important. C'est les chiffres d'il y a quelques années, mais et de nouveau pour votre culture, vous ne notez pas ça, ce ne sera pas une question d'examen. Dans le secteur financier, le coût d'acquisition pour un nouveau client et l'ouverture d'un compte, par exemple un compte ING LAM, qui est un compte gratuit, on s'offre aux alentours des 150-200 euros par client acquis. Donc c'est ce que ça coûte à l'annonceur en frais, on va dire marketing, pour acquérir un nouveau client. Ça monte un peu plus quand on est dans une banque d'investissement, style Quitrai, on va passer dans la barre des 300-400 euros, et dans les banques privées, là, on dépasse les 800 et les 900 euros de coût d'acquisition. Donc, sachez que tout ça est quand même très bien formalisé. Vous allez normalement, chez la plupart des annonceurs, ils vont pouvoir vous dire, mais moi, pour vendre, pour avoir un nouveau client, ça va me coûter en moyenne autant. Et ça, ça va en général diriger également les grandes lignées de la définition du budget marketing chaque année. Dans certains secteurs, le coût d'acquisition va être plus important que dans d'autres. Un coût d'acquisition pour un Twix ne va pas être le même coût d'acquisition que pour un truc sur le long terme, que pour une voiture, que pour une machine à laver, où les achats sont moins fréquents. Donc les coûts d'acquisition sont naturellement un peu plus élevés. Donc ça c'est très important, cette nouvelle donne de créer des avocats. Et donc il y a certains modèles qui vont même plus loin, qui redéfinissent un peu le funnel. C'est un double funnel où on n'est pas juste sur de la notoriété, générer de l'intérêt, avoir gagné la considération du prospect, créer de la préférence pour qu'ensuite il achète. On va lui donner le support. C'est un nouveau client et on va vraiment le bichonner pour faire en sorte qu'il soit très satisfait. C'est ce que la plupart des marques online font ou Apple fait très bien dans son service après-vente. On va essayer donc de rendre le consommateur fidèle à notre marque et puis le faire entrer dans un programme d'ambassadeur. Et donc si avant le marketing s'arrêtait là où on faisait de la pub, pour attirer l'attention et puis tout le reste était considéré comme de la vente. Aujourd'hui la partie vente elle est là, tout ça, ça fait partie d'une stratégie marketing avec une vraie stratégie de contenu qui est redéfinie par le CRM. Je vous ai montré quelques modèles, quelques exemples de conversion, mais donc sachez qu'à ce moment on calcule des taux et des pourcentages de conversion et que on voit parfois, mais qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Alors, imaginez que, c'est peut-être pas le bon schéma, on fait une campagne de pub pour ramener les gens sur une plateforme web pour une banque qui est une banque d'investissement. Et on veut intéresser les gens, on a une campagne qui leur dit... vous savez, votre épargne dehors, avec les taux d'intérêt, c'est pas très intéressant de laisser ça sur un livret d'épargne. Il faut commencer à investir. On fait une grande campagne plutôt de notoriété. On dit, venez considérer cette banque pour commencer à investir. Et donc, la pub amène pas mal de visiteurs sur le site. C'est intéressant. Ce qui est... Je vais prendre un autre schéma. Alors, il y a des gens qui viennent sur le site et puis qui commencent à regarder un peu les infos, téléchargent un document gratuit sur comment commencer à investir, etc., qui vont éventuellement prendre un rendez-vous avec le banquier. Alors, ça, c'est les trois étapes. Il se fait que parfois, l'annonceur va dire à son agence, on a un problème de conversion, c'est-à-dire que la campagne fonctionne très bien, on est très très visible et on attire pas mal de trafic sur le site. Le site ne convertit pas bien, c'est-à-dire que les gens ne téléchargent pas le document ou ne demandent pas un rendez-vous. Par contre, on se rend compte avec le Google Analytics que les gens restent en moyenne 2-3 minutes sur le site, donc recherchent une information, mais ça ne convertit pas en lead. Ça, c'est souvent des choses. Alors, parfois, c'est le cas contraire. C'est, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui viennent, mais par contre, les gens qui viennent sur le site convertissent très, très bien. Et donc là, la stratégie de com, ce sera de dire, ben, on doit améliorer la campagne, étendre peut-être le plan média, investir différemment, peut-être changer de média pour avoir une meilleure couverture et attirer plus de gens. Mais par contre, le site a l'air de bien fonctionner comme outil de conversion. Dans l'autre cas, on a une campagne qui fonctionne très bien, qui génère plein de gens sur le site, mais ça ne convertit pas. Et là, c'est là que d'autres métiers vont arriver. Je vous ai parlé des gens qui font de l'architecture de l'information, qui est autre chose que du web design. Et on va commencer à réfléchir page par page sur le site, comment est-ce qu'on peut améliorer cette conversion. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne convertit pas? Et dans un autre cours, je vous montrerai des outils qui permettent en fait d'analyser les clics qui sont faits, qui permettent d'avoir des heating maps qui montrent le parcours en fait de tous les visiteurs d'un site sur toutes les pages. Et on voit que des zones où on aurait envie que les gens cliquent pour télécharger une brochure, pour demander un rendez-vous, sont des zones qui sont quasi ignorées parce qu'elles ne ressortent peut-être pas assez. Et donc, on rentre dans ce genre d'analyse-là et puis on va refaire une partie de la page et on va restructurer l'information. On va relancer le site et on va voir ensuite, en quelques semaines, si le taux de conversion est amélioré ou pas. Et vous voyez que notre métier de communicateur est aujourd'hui challengé. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, on va dire publicitaire, et un concept qui va être à la fois dans les médias traditionnels ou dans les médias digitaux et qui va générer du trafic. Ça, c'est important. Mais ce qui est aussi important, c'est d'avoir de la créativité et de pouvoir améliorer la conversion. Et là, on va toucher à d'autres outils digitaux et d'autres types de métiers. Et je pense que le futur sera dans les mains de gens qui peuvent surfer à la fois avec la pub conventionnelle et les bons concepts, mais qui comprendront suffisamment les outils digitaux et qui pourront améliorer l'efficacité de chacun des touchpoints, et donc l'efficacité ou augmenter les taux de conversion, puisque le nerf de la guerre, c'est de vendre plus et aussi de créer des ambassadeurs. Et là, c'est les métiers du content marketing et des community managers qui interviennent. Oui, voilà, ça c'était un exemple. Il y a 1000 personnes qui visitent un site, 200 personnes s'inscrivent, 50 personnes mettent un objet, c'est un site d'e-commerce, mettent un objet dans le panier, et puis il n'y en a que 40 sur les 50 qui font un check-out en ayant réellement acheté quelque chose. Donc ça nous permet d'avoir des taux de conversion, ben, on a un taux de conversion là de 4%, comment améliorer ça? Et vous savez, je travaillais chez Imakina pendant 4 ans, Imakina a refait instantanément le site de SN de Brussels Airlines, où en retravaillant l'architecture du site, le design, les boutons et la réflexion de comment est-ce qu'on va faciliter le parcours du surfeur sur le site. L'objectif était d'augmenter les ventes de tickets online. Et par une simple c'est une analyse qui a duré quand même 3 mois, par une analyse de l'architecture de l'information, en changeant le site du jour au lendemain, ils ont augmenté les ventes online de 3%. Ça paraît pas grand-chose, mais 3% pour je ne sais pas combien de millions sont générés en ventes online, c'est assez énorme en termes de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est des choses qui pourraient paraître microchirurgicales, mais qui ont une importance capitale aujourd'hui pour les annonceurs. Et vous serez, dans vos métiers, amené à paramétrer et à chipoter ça. Alors, un petit peu pour votre culture, les taux de conversion, les bannières, à votre avis, ça convertit bof-bof. Vous cliquez souvent sur un banner. Alors ça, c'est, je pense que ça a encore diminué, mais on est aujourd'hui à un taux de conversion moyen, tout banner confondu, en Belgique, de 0,18%. Donc c'est le taux moyen de click-through rate, CTR, click-through rate. Ça veut dire que pour 1 million d'impressions, on va acheter des impressions par 1000 personnes, je vais avoir uniquement 1800 clics. Ça fait beaucoup. Donc il faut déjà en balancer quelques milliers presque milliards d'impressions pour pouvoir avoir une couverture et une conversion intéressante. Alors ce qui est intéressant, c'est que le banner est de moins en moins efficace. On verra ça aussi dans un autre cours. On parlera de banner blindness. On parlera de la montée en puissance des ad blockers et les moyens pour contourner ces problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que d'autres touchpoints digitaux sont plus performants. Une newsletter à laquelle vous vous êtes logiquement inscrit va avoir un taux d'ouverture de 25% en moyenne. Bah, si vous êtes inscrit au truc, c'est que vous êtes censé être intéressé, alors que le banner, vous n'avez pas demandé à le voir, même s'il y a des... Normalement, le banner devrait avoir une certaine intelligence, savoir quel est le profil qui se cache derrière le surfeur. Donc, open rate 25%, mais taux de clic sur les gens qui ont ouvert, uniquement de 5%. Alors, la statistique n'a pas été mise à jour, mais d'année en année, elle ne changeait pas énormément. C'est une statistique qui permet, par secteur, de voir quel est le taux de clic moyen. Delivery rate en emailing marketing, c'est des taux toujours au-dessus de 90% sur le taux d'envoi de l'email. Le open rate, et si on est... on va regarder les extrêmes. Dans tout ce qui est automobile, on est à un taux d'ouverture, je vais prendre le taux d'ouverture total de quasi 30%. Dans la finance, on a 36%, dans le FMCG, 41%, et puis le plus faible, utility, 75%. Télécom, 45%. Donc le plus faible étant média et entertainment. Mais on est un peu... Ce qui est aussi intéressant, c'est le taux de clic. Vous pouvez ouvrir, mais on a des taux de clic très très variants en fonction des secteurs. Je ne vais pas vous demander ça, je vais réciter le taux d'ouverture par cœur à l'examen, je vous rassure. Alors, on est au cours, un cours digital, quand même toujours intéressant de se rappeler que certains médias traditionnels fonctionnent encore pas trop mal, ils sont parfois même plus performants que certains touchpoints digitaux. Si on regarde les taux de conversion en marketing direct, le marketing papier, l'envoi postal personnalisé, j'insiste, ce n'est pas le tout de boîte que vous recevez, c'est l'envoi personnalisé, taux d'ouverture de 70% et un taux de réponse, là il n'y a pas de taux de clic, mais c'est l'équivalent, et si on me demande de faire une action, il y a un taux de réponse de 6,2%, donc le direct marketing n'est pas mort. Et j'ai envie de dire, plus on va continuer à envoyer des campagnes d'emailing et de vous bombarder et de vous spammer dans vos boîtes mail, je pense que quelques mailing papier qualitatifs vont attirer beaucoup plus l'attention du consommateur et vont permettre de sortir du lot et avoir un taux de conversion plus important. Alors, quand on fait, je vous ai parlé de mailing personnalisé, c'est un exercice style, si on fait deux mailings, un mailing non personnalisé, c'est-à-dire que c'est le même mailing qui s'adresse à tout le monde, et on ne vous dit pas « Bonjour Monsieur Brumbat », on dit « Madame Monsieur », et puis on vous balance le baratin sur le produit, et puis un, donc non personnalisé et un mailing personnalisé. Alors, c'est un cas théorique, mais quand on fait un mailing non personnalisé, on essaie de bombarder très large, donc on ouvre le funnel pour essayer de toucher plus de gens, pour essayer d'avoir quand même une masse critique de conversion finale et de gens qui vont acheter quelque chose. Quand on est sur du mailing personnalisé, ça veut dire qu'on aura plus non seulement identifié le nom, mais on aura identifié le profil de la personne à qui on s'adresse, et on va adapter le message. Et donc logiquement, le taux de conversion devrait être plus important. Quand on balance à 128 000 personnes un mailing non personnalisé, on a un taux de réponse de, c'est le modèle théorique, de 1,2%. Ça veut dire qu'on va avoir 1500 réponses. On prend, et c'est très optimiste, ces 1500 réponses, on va générer 50% de leads, ça veut dire 768 personnes qui vont réellement faire quelque chose. On va avoir 10% de deals avec ces gens, donc ça veut dire qu'on va vendre quelque chose. Ça veut dire 77 personnes vont acheter. Ces gens vont acheter en moyenne pour 800 euros. Donc on va avoir un revenu moyen de 61 000. Et on a dû payer quand même très très cher les setup costs du mailing parce qu'on a envoyé à 128 000. Il y a des frais de poste, il y a des frais d'impression. Ça nous a coûté 60 000 euros. Le tout, ça nous donne un revenu de 1 600 euros. Donc pas forcément la peine de faire le tout. L'autre schéma, on va dans un... mailing personnalisé. On n'enverra évidemment pas à 128 000, mais à 28 000 personnes, mais de manière hyper précise, hyper pointue. On aura un taux de réponse moyen supérieur de 10%. C'est-à-dire que déjà, on va avoir 2800 réponses plutôt que 1500. Si on prend 50% de leads, c'est 1400 leads. Dit là, on fait une conversion d'achat de 10%, c'est 140. Ça veut dire qu'on génère 112 000 euros de revenus. Ça nous a coûté un peu moins cher. Le mailing personnalisé, on doit acheter une base de données, on doit affiner, il y a quand même de la recherche et puis une adaptation du contenu. C'est pas un seul contenu pour tout le monde, c'est quand même 49 000 euros, mais ça permet de générer 63 000 euros de revenus et pas 1 600 euros. Donc, ce que vous devez retenir de ça, c'est que parfois, la stratégie du funnel, le funnel, il peut soit s'élargir en haut, soit se rétrécir. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on va toucher moins de gens à la fin. Tout va dépendre des taux de conversion. Vous voyez pourquoi je prends cet exemple-là? Je ne l'ai pas remis en funnel, mais je pourrais, ici, si je devais symboliser ça, j'aurais un funnel comme ça avec 128 000 personnes en entrée et puis finalement seulement 77 qui sont à la fin. Tandis que là, j'ai un funnel qui est quasi une ligne droite et j'ai un taux de conversion beaucoup plus important et je suis... à 140 personnes à la fin qui vont acheter des choses. Ouais. Alors, il y a aussi une évolution théorique où on dit que ça c'était le funnel traditionnel où on rentre par le awareness, la considération, préférence, action et puis loyalty. Et puis il y a d'autres modèles, il y a beaucoup de gourous marketing qui réinventent les choses tous les 5 ans. Ils disent, ben, oui, on rentre toujours, mais on est fortement aujourd'hui influencé par ce que les gens nous disent, les recommandations de certains amis, du user-generated content, qui va faire en sorte que les gens vont ne pas aller en ligne droite directement à l'achat, ils vont considérer les choses différemment. Ça, c'est l'ancien modèle. Et donc, quand on est un prospect, on a éventuellement l'intention d'acheter un produit. On a normalement dans sa tête, on fait une liste de 2, 3, 4 produits qu'on considère. Et puis, l'ancien modèle nous disait, ben, on va éliminer, on va retirer du panier petit à petit, plus on s'informe, certains choix pour arriver à un choix final de deux produits. Et puis, c'est un peu le prix qui va faire la différence. Et bon, puis, on prend sa décision finale d'acheter le produit. Aujourd'hui, le choix... avec les réseaux sociaux et le fait que le consommateur soit beaucoup plus envie de s'informer avant de prendre de faire un choix final. La courbe, ou en tout cas le chemin du funnel a vraiment changé. On a quelqu'un qui considère l'achat, qui va évaluer en cherchant pas mal de choses sur Internet, pas uniquement sur le site de l'annonceur, mais il va aller sur des sites, des comparateurs online, il va aller voir un peu des reviews de consommateurs. Et donc son panier, qui était peut-être au départ constitué de 4-5 marques, il va en retirer certaines, mais il va aussi en rajouter d'autres qu'il ne connaissait pas au départ, mais dans sa recherche, qui ont été en fait recommandées par d'autres personnes, pas forcément des spécialistes, mais d'autres personnes qui ont fait des tests. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, je cherchais une montre connectée pour courir, ou des écouteurs Bluetooth, j'avais une marque en tête, et puis finalement, à travers les reviews, je me suis retrouvé à acheter une marque américaine que je ne connaissais pas du tout, mais qui scorait beaucoup mieux qu'une marque Bose. Et je me suis dit, finalement, je me retrouve exactement dans le même funnel, alors que j'ai des marques préférentielles au niveau son, et finalement, j'ai acheté une marque pas très connue, et qui scorait plutôt bien, et j'ai vu 2-3 spécialistes qui ont fait des reviews et des comparatifs pendant plusieurs semaines, et donc ça m'a vraiment convaincu. C'est la nouvelle manière d'acheter aujourd'hui, et on n'est pas uniquement sur une recherche longue et difficile quand c'est un achat très impliquant, comme une voiture par exemple. C'est aussi pour des produits de grande consommation, peut-être pas votre tube de dentifrice, mais des achats pas forcément très très chers. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, on parle de marketing digital, de marketing de contenu, de content marketing, inbound marketing. On va un peu se focaliser sur le inbound marketing et le growth hacking, également un terme un peu à la mode. D'abord, le inbound marketing, c'est un petit peu un terme qui est lié au CRM. Donc ça se réfère à toutes les activités marketing qui amènent un visiteur à rentrer en contact avec l'annonceur, mais pas d'une manière traditionnelle. Le outbound, c'est l'annonceur qui s'exprime et qui va aller chercher le prospect en lui disant « Regarde, j'ai un super produit, je communique sur ce produit. » Le inbound, c'est faire en sorte que quand les gens sont intéressés par le produit, on va vraiment bien les servir avec un contenu qui va les influencer jusqu'à l'acte d'achat. Inbound marketing earns the attention of customers, make the company easy to be found and draws customers to the website by producing interesting content. Donc, alors que le outbound, c'est plutôt la vieille manière traditionnelle de faire du marketing one way, où on est sur de la pub et on diffuse un message et on espère de suffisamment intéresser le consommateur. Il y a du prix, de la radio. Le inbound, c'est quand les gens viennent chez vous, comment les servir le mieux possible. Ça, c'est inbound marketing. Alors, quand on parle de growth hacking, c'est une technique marketing qui a été développée ces dernières années essentiellement par des startups qui se sont dit on ne va pas juste venir avec les mêmes trucs et astuces pour aller trouver des prospects, des nouveaux clients. On va essayer de chaque fois ajouter un modèle technologique pour accélérer l'acquisition de nouveaux clients. Donc, growth hacking uses creativity, analytical thinking, and social metrics to sell products and gain exposure. Growth hackers focus on low-cost and innovative alternatives to traditional marketing. C'est par exemple une technique de growth hacking. Dropbox, qui s'est lancé, et pour très très vite avoir un côté viral et acquérir des nouveaux utilisateurs, vous proposez d'avoir jusqu'à 16 gigabytes d'espace gratuit, mais chaque fois que vous rameniez un ami à ouvrir un compte Dropbox, vous gagnez 500 mégabytes supplémentaires d'espace. C'est du member get member, mais avec un avantage supplémentaire, et voilà, la technologie qui permet d'inviter facilement les gens. Et puis j'étais aussi alerté parce que finalement mon pote espagnol que j'ai invité s'est inscrit et j'ai un rewarding instantané. Je reçois un email qui me dit « Vous avez gagné 500 mégabytes de plus. » Et donc, voilà, ça c'est technique de growth hacking. Autre technique de growth hacking que je trouvais très dérangeante au départ, c'est Spotify qui demandait alors d'ouvrir un compte, soit vous le faisiez par email et un password, soit par simplicité, vous cliquiez sur un Facebook Connect, mais c'est ce qu'il faisait à votre insu, parce que ce n'est plus le cas maintenant. Quand vous écoutiez des morceaux, il diffusait les morceaux que vous étiez en train d'écouter sur votre page Facebook. Pas très sympa si vous écoutiez des trucs très ringards des années 80. Mais ça a permis aux gens de connaître rapidement Spotify et donc d'avoir un effet viralisant très très rapide. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle cette manière de penser du growth hacking. Et toutes les startups, les Airbnb de ce monde, ont réfléchi à ce genre de technique. Mobile Viking, qui est un opérateur télécom belge, a un USP, sa promesse, c'est le data. C'est énormément de gigabytes en data pour finalement peu d'argent. Ils veulent vraiment promouvoir le data et pas les SMS. Ils ont créé une action, je ne sais pas si, combien de temps elle a duré, mais où c'est pendant un week-end, le 24 et le 25 octobre, on pouvait surfer de manière illimitée et Mobile Viking invitait tous ses utilisateurs à partager leur 3G ou leur 4G avec leur entourage, parce que tout le monde pouvait se mettre dessus pour télécharger énormément de choses, puisque c'était illimité, et donc d'avoir ce côté viral. Ce sont des petites actions qui permettent instantanément de faire très rapidement de la notoriété et éventuellement rapidement de la conversion. Alors la théorie dit que le growth hacking, c'est aussi, même sans technologie, ça existe. Comment rapidement aller toucher les gens sans faire de la pub traditionnelle. McDonald's l'a fait dans les années 50, quand ils se sont rendus compte, en analysant un peu justement le profil de leur clientèle, qu'il y avait quand même à l'époque 80% de leurs clients qui étaient des gens en déplacement, des nafteurs ou des camionneurs, et donc il était très important de placer sur les bords des autoroutes des signes très distinctifs qu'on voyait de très très loin pour pousser les gens à avoir faim à quelques minutes de l'arrivée du McDonald's, parce qu'il y a un signal presque pavlovien en voyant le M au loin et à s'arrêter plus facilement. Donc c'est du vieille technique de growth hacking, mais pas inintéressante. Vous savez qu'il a été prouvé par des études en neurosciences que Pizza Hut, le toit de Pizza Hut, donne aussi un signal de faim et donne envie aux gens de s'arrêter. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'à un moment, ils ont voulu relooker Pizza Hut et changer la structure du restaurant et aussi le look du toit. Et les études ont dit, ne faites surtout pas ça. Ça, c'est suicidaire. C'est un stimuli qui appelle les gens à bouffer une très mauvaise pizza. On verra peut-être ça un cours, mais de neurosciences, c'est un aparté. Pourquoi est-ce que McDonald's et Quick n'ont pas changé alors que la technologie a évolué? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait évoluer leur verre, enfin, qui n'est pas un verre, qui est en silicone, et notamment le petit top en plastique dans lequel on met la paille? Parce qu'en fait, il y a aussi un attachement inconscient au bruit que ça fait quand vous glissez la paille dedans, et qui est une jouissance apparemment du consommateur, et qui l'amène à... Voilà, c'est un petit moment privilégié qui dure une fraction de seconde, mais qui est important dans l'expérience consommateur. Et donc tout ça, les neurosciences expliquent ça en détail à des marketeurs qui vont ne pas changer, ou vont jouer là-dessus pour à un certain moment vous influencer inconsciemment à rester fidèle à cette marque de restaurant pas très bonne. Voilà, juste pour votre culture, il y a une interface. interaction entre le marketing, le content marketing et puis le growth hacking, mais on voit qu'on est beaucoup plus sur les sciences, les neurosciences, les outils digitaux pour parfaire ce qu'on appelle la technique du growth hacking. Alors, ça nous amène au contenu. On a vu le funnel de conversion où on se rend compte que le contenu est très important pour créer des ambassadeurs. Il y a un modèle qui a été inventé par un professeur qui s'appelle Itamar Simonson, qui est professeur à l'université de Stanford, qui a écrit un bouquin sur le influential mix. Quelle est la valeur absolue aujourd'hui d'un produit? Vous savez que il y a beaucoup. On sait que c'est important d'avoir UGC, User Generated Content. Ça a vraiment une influence sur le consommateur. Donc voir des reviews de gens qui ont essayé le produit, c'est de plus en plus important. Je suis toujours assez fasciné de voir quand il y a un nouveau GSM qui sort, de voir le nombre de vidéos, ce qu'on appelle les unboxing. Et vous avez un mec dans son garage ou dans sa chambre à coucher qui, super enthousiaste, avec une très mauvaise caméra, filme ce moment incroyable d'ouverture de la boîte du dernier iPhone 7 et puis le prend en main et dit voilà comment on l'allume et oh, regardez, il y a la pomme qui s'allume, l'écran est super. Et ça dure 35 minutes de démonstration en fait d'une connerie, il branche juste son Apple. Mais alors quand on voit le nombre de vues, on est parfois à des 235 000 vues, des gens qui salivent parce qu'ils n'ont pas encore pu acheter l'iPhone, mais alors c'est comme s'ils vivaient eux-mêmes l'expérience de l'unboxing. C'est hallucinant, parce que c'est complètement débile comme type de contenu, mais ça marche. Et les annonceurs ont compris l'importance de ce type de contenu, je dis moi débilisant, mais à partir de votre génération, je suis un peu old school sur ce coup-là. Mais comment est-ce qu'on inclut ça dans les stratégies de communication? Et donc, ce professeur a développé un modèle en définissant en fait trois facteurs qui influencent notre décision d'achat en tant que consommateur. Il y a trois facteurs qui vont être combinés. Il y a le facteur P, qui est en fait le facteur des préférences, nos préférences intrinsèques. Parce que depuis tout petit, mon père roule en Audi et que mon grand-père roulait en Audi, ben voilà, je ne suis peut-être pas influencé par BMW aujourd'hui, même si je trouve que le modèle est sympa, je vais quand même rester fidèle à Audi. Et pas parce que Audi fait une chouette pub, c'est dans mes valeurs. Ça fait partie de mon caractère, de mon passé. C'est mon expérience, mes croyances qui font que je ne jure que par cette marque. Pourquoi est-ce que je suis beaucoup plus porté par Tag Heuer que par Rolex? Voilà, pas parce que je trouve que la pub non plus est plus sexy, parce que il y a un truc personnel. Et on a tous ça en nous, de manière inexplicable. En tout cas, les psychologues pourront vous l'expliquer, mais au niveau marketing, c'est pas du rationnel, c'est de l'émotionnel. Il y a le facteur M, qui est toute l'information et toute l'influence des stratégies marketing. Ça va être la pub, ça va être le contenu, ça va être ce qu'on va trouver sur les sites web, sur les plateformes sociales, ça va être tout le contenu en relation publique, qui va à un certain moment influencer, modeler mon avis sur la marque en question et qui va peut-être m'influencer à acheter. Et puis il y a un nouveau facteur qui est apparu ces dernières années, qui est le facteur O, qui est l'input d'autres personnes comme vous et moi, ou de personnes qui ont une autorité en la matière et qui vont essayer de donner un avis neutre. Alors là-dedans, vous allez trouver des journalistes spécialisés. Je reprends le domaine automobile. Et oui, c'est toujours intéressant de savoir ce que le journaliste du moniteur automobile dit sur le lancement d'un nouveau modèle. C'est intéressant de voir la dernière vidéo de Top Gear qui a fait un test drive avec ce nouveau modèle et qu'est-ce qu'ils en pensent et quelle est la cote qui est donnée. Mais ce qui marche aussi très très bien, c'est de nouveau des gens comme vous et moi qui ont soit acheté la voiture, qui l'ont essayé et qui donnent également leur avis. de manière pas du tout professionnelle, mais ça, ça va m'influencer. Autre exemple, on part plus en vacances comme auparavant, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'analogie. Avant, on poussait la porte d'une enseigne et vous faisiez confiance à la petite madame derrière son bureau Neckermann. Vous disiez, ben voilà, moi j'ai une famille, deux enfants, je voudrais partir au soleil, j'ai un budget d'autant, qu'est-ce que vous me proposez? Je préfère éviter l'Espagne, mais on m'a parlé de la Grèce, paraît que c'est chouette. Et la petite madame compulse son magazine, et puis elle vous montrait, je parle de ça il y a quelques années, sur le catalogue, elle dit, ça cet hôtel-là, j'y étais, c'est fantastique, c'est un hall inclusif, regardez les chambres, vous voyez des photos taille timbre poste, et vous déléguiez votre confiance sur cette brave dame qui avait fait son sales speech et qui inspirait votre confiance. Puis vous passez à la caisse, et puis vous partez, et soit vous êtes déçu, soit vous êtes super content de ce choix. Aujourd'hui, les choses se passent totalement différemment. Parce que le consommateur, comme je vous le disais, il est à la recherche d'informations, il a plein d'informations à sa disposition, et il va prendre beaucoup plus de temps avant de prendre sa décision. Il ne va pas déléguer aussi facilement qu'auparavant. Et donc, le facteur O, il est dominant. Aujourd'hui, quand je veux partir en vacances, je vais d'abord aller sur des sites pour acheter un billet d'avion. Je vais avoir quelques destinations dans mon top 3 et je vais un peu comparer les prix en fonction de la période à laquelle je veux partir. Et puis je vais choisir ma destination finalement en fonction du meilleur prix du billet d'avion. Et puis je vais choisir l'hôtel. L'hôtel, là, j'ai pléthore de sites qui peuvent me proposer des hôtels. C'est soit Booking, je vais quand même aller voir ce que les gens disent sur TripAdvisor. Je vais quand même aller voir peut-être sur Yelp, est-ce qu'il y a un commentaire également. Et tous ces commentaires vont faire en sorte que je vais me façonner ma propre opinion pour rejeter certaines propositions d'hôtel et puis choisir ce que je vais trouver être le meilleur rapport qualité-prix qui me convient. Parce que d'autres personnes que je trouve être dans la voilà, même catégorie sociale ou le même profil ont dit du bien de cet hôtel-là, alors qu'il était peut-être très critiqué par d'autres sites officiels. Et donc c'est cette dynamique-là qui est vraiment intéressante, et donc le facteur O dans certains secteurs prend une importance capitale. Voilà, donc facteur P, A pour moi, en général, quand j'achète de l'électroménager, je n'achète que de l'allemand, parce que les marques allemandes, ça c'est du solide, ça dure longtemps, etc. C'est ce qu'on appelle les home beliefs, ce qui n'est plus du tout vrai, parce que votre machine à laver, elle est peut-être made in Germany, mais avec une vingtaine de pièces qui vont venir d'un peu partout en Europe. Je n'aime pas ce restaurant. Ça, c'est tout ce qui est promesse de marque, le territoire de marque, les activations faites par les marketeers. Et puis, ça, c'est les online reviews, les testing online, les online unboxing, etc., etc. Et donc, oui, le cloud du facteur O prend une importance de plus en plus déterminante aujourd'hui dans nos choix. Mais ce professeur fait un distinguo également. Toutes les catégories de produits ne vont pas jouer exactement la même influence. Rassurez-vous, je ne vais non plus pas un jour vous demander de redessiner l'importance des ronds. Mais c'est clair que le facteur O dans le choix d'une marque de lait ou dans le choix de votre dentifrice ne va pas vraiment être déterminant. Vous n'allez pas voir quelles sont les reviews par rapport au dentifrice qui vous donne les dents les plus blanches. En général, vous allez aller sur le site de la marque et c'est le marketing qui va vous influencer ou vos habitudes familiales. Au niveau des marques de luxe, les marques bien établies, les marques de luxe, ben, le facteur O, il a peu d'influence. Pas parce que quelqu'un dit « je trouve que les sacs Hermès ne ressemblent plus à rien et je préfère maintenant Delvaux » que vous allez complètement changer votre avis. Là, de nouveau, il y a une question de personnalité, d'historique par rapport à certaines marques, d'attirance par rapport à la personnalité de la marque et votre produit. Alors, plus on va évoluer vers la droite, plus le facteur O va prendre de l'importance. Dans certains restaurants, les food chains, les restaurants et les réseaux de restaurants, le facteur O peut être influencé parfois par la négative, s'il y a des avis très négatifs sur certaines pratiques. Mais par contre, sur les restaurants indépendants, Et là, le facteur O devient déterminant. Partez en vacances quelque part. J'étais à Prague il y a pas très longtemps, un peu perdu dans la ville. Ben, ma référence, c'est TripAdvisor et c'est Yelp. Et voir un petit peu quels sont les plus chouettes restos tendances, plutôt que de juste compulser le guide de routard où vous allez vous retrouver à côté de gens qui viennent de Belgique ou de France, parce qu'ils ont aussi le guide de routard et c'est pas finalement, ça manque un peu d'authenticité. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et puis dans le secteur de la voiture, pas les voitures de luxe, mais et dans tout ce qui est high-tech et électronique, le facteur O a une influence capitale qui dépasse parfois le facteur M et tous les investissements publicitaires qui peuvent être faits. Alors c'est pour ça que certaines marques, donc dans l'électronique, Canon et Nikon ont compris ça, diminuent un peu leur budget traditionnel pour essayer de rentrer un peu plus dans des techniques d'influence du facteur O, de payer certains youtubeurs, certains blogueurs passionnés de photos pour tester des nouveaux appareils, pour tester des nouveaux filtres, des nouvelles optiques. Vous vous souvenez, il y avait ce fameux concours de photo chain, etc. Ça fait partie des nouvelles initiatives qui vont instantanément gonfler le facteur O et voilà, faire un peu plus de bouche à oreille positif par rapport à une audience qu'on va en parallèle toucher avec de la pub classique, mais ça ne suffit plus. Donc je trouve que ce modèle-là, qui est simplissime, permet d'adopter une vision assez claire sur comment est-ce que le facteur O aujourd'hui influence certains secteurs. Toujours dans le contenu, alors Coca-Cola, dans cette poursuite de comment changer les choses, comment essayer de tester les choses, puisque dans le monde du digital et du marketing, on va dire que tous les 6 mois, il y a des nouveaux outils à disposition du marketing qui disparaissent parfois. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec le Facebook Live? Il y a des tentatives. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va continuer? Je crois que Meerkat, qui était l'équivalent, a quasi disparu. Donc, la stratégie de Coca-Cola, c'est de dire on va essayer d'investir 70% de notre budget marketing dans des choses qui sont prouvées efficaces. C'est-à-dire l'achat de médias, soit traditionnels, soit digitaux, avec une manière de communiquer qui a fait ses preuves. Puis la règle du 20%, c'est on prend des touch points, donc des médias qu'on connaît, mais on va changer la manière de s'exprimer sur ces médias. Bon, c'est un autre tone of voice, un autre storytelling. Et puis les 10% qui restent, c'est essayer quelque chose qui n'a jamais été utilisé auparavant par Coca-Cola, et c'est faire des tests. Ça pourrait être faire un test sur Snapchat avec... on crée une story Coca-Cola et on voit comment le public réagit, est-ce qu'il s'engage, est-ce qu'il est positif par rapport à ça. Et on évalue, de nouveau, on revient au data marketing, on évalue cette valeur-là d'un test de laboratoire et voir si les gens réagissent bien, s'il y a un taux de conversion intéressant, pour que finalement ce qui a été testé là, l'année suivante, les touchpoints là, et Snapchat en l'occurrence, reviennent là dans le plan marketing qui fera partie des 70%. Donc ça, c'est cette nouvelle manière de réfléchir où on n'est pas juste en train de copier-coller ce qui a fonctionné. On a besoin aujourd'hui, dans le marketing digital, de tester énormément de choses et on procède par essai-erreur. On n'est plus dans « j'ai besoin d'une certitude, si j'investis, ça va fonctionner ». C'est plus tout à fait ça. On doit sécuriser, évidemment, ce qu'on fait, une grosse partie du budget, mais on doit continuer à tester pas mal de choses. Donc ça, c'est la règle de Coca-Cola sur les tests et aussi au niveau donc, du contenu. Et puis il y a Google qui a racheté YouTube, qui a défini un modèle, une manière de hiérarchiser le contenu sur base de certaines observations qu'ils ont pu faire, de nouveau à partir de leurs data. Ils ont appelé ça la théorie du Hero, Hub and Hygiene, les 3 H de Google. Euh, commencer par le héros, le contenu héros. Normalement, tout annonceur qui est dans du marketing digital doit, dans son calendrier, développer ces trois types de contenus. Un contenu hero qui va en fait avoir un effet un petit peu viral, qui va permettre de générer pas mal de trafic à un certain moment sur une plateforme ou sur le site ou sur le YouTube channel, qui va offrir une expérience assez intéressante et assez unique pour la personne. On va toucher une large audience et c'est un petit peu ce qu'on pourrait raconter sur un spot télé, mais un petit peu incroyable. Donc c'est du contenu viral. Vous avez tous vu pas mal de campagnes comme ça, mais on a parlé du saut de Baumgartner avec Red Bull. On a vu la campagne de Dove également. Ça, ce sont des contenus hero qui coûtent assez cher à réaliser et qui vont instantanément permettre d'avoir une audience incroyable. Souvenez-vous du Epic Split qui était assez bien foutu. On va voir au niveau des résultats. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. Thank you. Contrex, les femmes qui pédalent pour voir le personnage. Genre de contenu spécifiquement fait pour le web, c'est Geox, qui est vraiment pour essayer d'attirer une partie d'une nouvelle communauté de gens qui ne considèrent pas Geox, va mettre en avant l'attribut du fait que ce soit très waterproof, et donc constitue une action online. Un petit peu dingue. Regardez. So, to test their line of waterproof and breathable shoes, the guys over at Geox flew me in for this next level high-tech experiment. Getting soaked in the rain for 7 days straight. Now, who wouldn't want that? The point of the experiment was to test the shoes in a rainy urban environment. So every day they had laid out a different activity. Alright. Let's go. To make sure the rain was constantly pouring, the team created multiple rain devices. Next to a portable cloud, which you can see here. They had a car following me around. Yeah, this one. Ah, and to really top things off, they had an octocopter. Really? All 7 episodes of the interactive documentary could be seen on the Geox Amphibiox website. Working smoothly? You could watch extra making of material. There you go. And also see how the shoes handle the conditions. Close. Look at that beautiful foot acting, by the way. Geox made sure people across all devices were able to experience the site in crisp detail. As for the results, well, it looks like people are enjoying my struggle all over the world. Very nice. You know, going through these 7 days of rain was a wet and crazy experience. The tests were intense, but amazing. Voilà. Genre de contenu Hero qui à ce moment vous amène sur la plateforme et puis peut-être on va essayer de faire un call to action, faire en sorte que vous inscriviez à la newsletter de Geox et que vous puissiez profiter à ce moment d'un bon de réduction et que vous puissiez un jour acheter soit dans un magasin soit online. Ça fait partie, en tout cas, des stratégies. Autre contenu Hero, très très chouette initiative, il y a quelques années, on pourrait plus le faire, mais Whooper nous a fait une action, Burger King, pour son hamburger Whooper, a fait une action assez intéressante sur Facebook, qui visait à déterminer si vous étiez plus attaché à vos amis que à Whopper. Regardez. Burger King knew that America loved the Whopper, but wanted to prove it. So it turned to Facebook and put the love to the test. Everybody loves adding friends, but is that simply because it's fun to see your friend list pile up? Well, what if there was a way to dump friends and get rewarded for it? And what if this turned into a race to dump them before they dumped you? Meet Whopper Sacrifice. Delete 10 friends and receive a free Whopper. A true moral dilemma, a telling choice. What do you love more, your friends or the Whopper? A difficult question to answer, or was it? Almost instantly, people were sacrificing their friends for Whoppers like crazy, to the tune of 200,000 friends sacrificed in just over a week. And people's burning desire to dump friends for the Whopper challenged the very concept of Facebook. Instead of embracing this new marketing opportunity and the 35 million free media impressions it received, Facebook began limiting its functionality, ultimately forcing Burger King to take it down. Whopper Sacrifice had been sacrificed. But despite the application's short-lived activation, Burger King proved what it knew to be true, that Americans love the Whopper more than they like their friends. Thanks for watching. Digital qui va instantanément essayer de ramener au revoir qui va essayer instantanément de ramener les gens en théâtre en faisant une promotion un peu inhabituelle. C'est très très embêtant. Plutôt que de proposer une réduction en fonction de votre âge, ou vous venez voir trois pièces et on vous en et la troisième, vous avez une réduction, etc. Comme c'est un théâtre comique, on vous dit que vous ne payez rien, vous payez juste au nombre de fois que vous allez rire pendant la pièce. Et c'est réalisable grâce à la technologie et la reconnaissance faciale. Et donc les gens passent à la caisse après la pièce en fonction de leur nom et de leur position ici sur le siège, enfin dans la salle, où ils payent en fonction du nombre de sourires qu'ils ont. On voit ça. Pay per laugh. The first comedy shows where you only pay for what you consume. We fitted each seat with a facial recognition system that detects the smile and proposed the following deal to spectators. Entrance will be totally free. If the show produces no laughs, you don't pay anything. However, if you laugh, you have to pay for each smile. Each smile produced is worth 30 euro cents, something that in this day and age is quite a reasonable price. At the end of the show, the spectators could check their laughter account before paying and even share it on social networks. And so that no one would cry for having laughed more than they could afford, the maximum amount to pay was 80 laughs for 24 euros. The average price of a ticket increased by 6 euros. The system was covered by the main national media outlets, and this produced 35% more spectators. Each pay-per-laugh show produced 28,000 euros more ticket money than was normally taken. Currently, the system is being copied in other theatres in Spain. A mobile phone app was created as a system of payment, and the first season ticket was launched for the number of laughs, not shows. But we should also not write off the pay-per-cry. Or pay-per-what-the-fuck system. Or maybe not. Pay-per-laugh. The first comedy shows where you only pay for what you consume. Voilà, chouette exemple de Content Hero. Première définition, mais ça c'est de la pub, on va dire, un concept un peu chouette qui va apporter une vidéo virale et qui va amener les gens instantanément sur une des plateformes ou sur le site. Le hub content, le hub, c'est ce qui rassemble et ce qui va ramener les gens de manière assez régulière sur votre plateforme. Parce qu'ils sont intéressés par un contenu. Donc ça va être un contenu qui rencontre leur intérêt. On va avoir soit une saga, soit des choses qui vont leur permettre de s'améliorer. Vous voulez investir et vous voulez prendre un cours d'investir pas à pas. Et la marque vous propose de venir toutes les semaines, de les redécouvrir une vidéo et un contenu qui vous apprend une chose supplémentaire. Ça crée un lien. Et donc vous n'allez pas aller voir juste une fois une vidéo virale qui est sympa, que vous allez diffuser et puis deux semaines après vous l'oubliez. C'est que vous avez un rendez-vous récurrent. Ça, c'est le contenu hub. Ça veut dire que quand on réfléchit à une stratégie de contenu, on doit en effet avoir un momentum de lancement avec des éléments hero, mais après on doit penser à comment est-ce qu'on va continuer à garder le contact avec les gens et faire en sorte qu'ils reviennent sur une stratégie hub. Vous laissez le texte là, mais comprenez un peu. Donc on a déjà vu le contenu hub, c'est Will It Blend. Clairement, stratégie participative où on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on mette la prochaine fois dans Blender et dès que c'est dit déposé, vous allez pouvoir revenir voir la vidéo. Ça va être dans tous les programmes, les contenus intéressants, là ici American Express avait créé une source d'inspiration pour les jeunes entrepreneurs avec des informations sur le marketing. Ou si c'est General Electric qui développe un site avec du contenu sur les nouvelles technologies, etc. etc. Et donc voilà, on s'abonne et on a envie d'être influencé par le contenu de manière régulière. Et puis il y a le contenu hygiénique. C'est lorsque vous cherchez quelque chose de spécifique, il faut s'assurer que la personne va trouver rapidement et de la manière la plus simple et la mieux formulée le contenu qu'elle recherche. Ça va être du contenu informationnel ou éducatif, ça va être des articles, ça va être des vidéos, des tutos, mais Et là, on est sur du always on. Être sûr que les gens trouvent ce qu'ils ont envie de trouver. C'est intéressant. Si on confronte le funnel qu'on a vu en début de cours et la stratégie des 3H, ben, le contenu IG, on va surtout être sur des gens qui sont plus des prospects et qui sont en train de considérer les choses, alors que le hero, il va essayer de toucher un maximum de gens dans le haut du funnel. Et le hub, ben, on essaye justement d'avoir un lien de manière régulière et donc de créer des leads et faire un certain nombre de la conversion auprès de ces gens-là. Et donc, c'est très théorique, mais sur un calendrier de contenu sur l'année, on va avoir au moins un momentum, et essayons d'en avoir deux sur l'année pour générer pas mal de trafic, de l'enthousiasme et un peu de bouche à oreille. On doit avoir de manière récurrente un contenu hub, et puis le hygiene, c'est ce qui doit fonctionner toute l'année, c'est l'évolution du contenu à forte valeur ajoutée lorsque les gens cherchent des choses. Et pour la dernière partie du cours, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus léger, on a même des mimes. Alors, le keyboard cat. Donc un mime sur Internet, c'est un anglicisme qui vient d'Internet meme, utilisé pour décrire un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur Internet. Je fais la lecture. C'est une acceptation récente du terme meme qui définit ce phénomène dans sa globalité. D'après l'Oxford English Dictionary, un mime est un élément d'une culture ou d'un ensemble de comportements qui se transmet d'un individu à l'autre par imitation ou par un quelconque autre moyen non génétique. Alors, c'est comme les gènes, c'est qu'il y a une transmission qui se fait, et si ce n'est que ici, c'est une transmission culturelle et qui n'est pas biologique. Et c'est très différent d'une campagne virale. Une campagne virale, vous voyez quelque chose qui vous intéresse et puis vous allez le relayer sur vos réseaux sociaux, mais vous n'allez pas y participer. Un mime, il y a un côté participatif où vous allez prendre un élément culturel qui fait partie de la pop culture, vous allez le refaçonner à votre manière et vous allez le rediffuser. Une campagne virale, c'est quelque chose que vous observez, que vous aimez et que vous rediffusez sans y avoir apporté quelques modifications que ce soit. Donc, c'est ce que j'aime dire, le mime c'est l'équivalent cognitif des gènes, si ce n'est que c'est de la transmission culturelle. Ça peut être une idée, ça peut être un comportement, ça peut être une photo, ça peut être un texte, ça peut être pastiché un élément des news, Donald Trump qui se ridiculise face à Obama, et puis il y a une photo qu'on prend où il est tout petit par rapport à Obama, et puis on commence à mettre des titres dessus, chacun son tour, à partir d'une même photo, ou c'est une photo qu'on va refaire nous-mêmes, ou c'est une vidéo dans laquelle on va se réinterpréter. Donc tout est possible à partir du moment où il y a un input, on va dire créatif, de notre part, que ce soit au niveau du texte, de l'image, ça devient un mime. Alors regardez ici, je vous parlais de contenu parfois débilisant, 30 millions de vues pour le Star Wars Kids, accrochez-vous. Plus menaçant. Ouais. est intéressant, c'est la reprise du truc. C'est qu'après, certaines personnes, il y a moins de vues, mais commencent à jouer là-dessus. Your Star Wars moves in the studio when we're doing the news. Now give me that lightsaber! Well, if it's any consolation to you, Brock, a rabbi couldn't have done a better job. Ouais, compris. Vous avez certainement vu cette photo. Et donc, c'est un des mimes par excellence. C'est que c'est chaque fois la même photo, mais il y a toujours un autre texte. Et on va chaque fois l'adopter. Et puis pendant 3 mois, on ne va plus la voir. Et puis, elle va réapparaître. Je vous disais, mime et viral, c'est pas la même chose. Viral, c'est quelque chose qui est envoyé dans sa forme originale. Le mime. C'est quelque chose qui va être réinterprété de manière différente par la communauté. Et c'est donc ce qui participe à la culture pop aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est devenu une culture en soi qui a ses propres codes. On a toujours le même type de typo, des photos qui sont toujours un petit peu kitsch. Beaucoup de chats. Elle aussi, c'était une des photos les plus utilisées, qui est devenue une youtubeuse assez célèbre. Cette photo-là, vous l'avez sûrement vue aussi. Et donc, elle a été assez popularisée, je ne vais pas lire les titres, mais... ce qui a changé, c'est qu'avant, il y avait quelqu'un qui produisait un contenu et puis il y a des millions de gens qui recevaient ce contenu. Maintenant, il y a des millions de gens qui reproduisent un nouveau contenu et qui le reçoivent. Et ce qui est intéressant, c'est que les mimes, c'est vraiment le top de l'iceberg, parce qu'il y a tellement de déclinaisons dans les pays, on n'est pas capable de tout voir. Donc ça, c'est quand même un phénomène assez intéressant. Et pourquoi est-ce que j'en parle à ce cours? Parce que les mimes, c'est dans la communauté online, mais c'est passionnant pour un communicateur, pour des gens qui sont les pros de la pub, de se dire pourquoi, comment est-ce que des gens qui au fond de leur garage ou sur leur petit laptop font des choses créatives, mais avec une telle audience et un tel succès. Pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que à partir d'une simple photo, on arrive à créer un mouvement qui va toucher des milliers, des centaines de milliers de gens qui vont s'impliquer à refaire cette chose-là. Alors que nous, on essaye d'apporter une touche un peu fun et un peu entertaining dans les campagnes, payées très cher par les marques pour être sur du média, et qui n'ont pas du tout le même enthousiasme. Ça va peut-être vous faire sourire, mais il n'y a pas la même implication. Donc en fait, nous, en tant que publicitaires, on a envie de retrouver la même implication où les gens vont pasticher nos campagnes, les campagnes d'un annonceur, pour qu'il y ait finalement une adéquation entre la marque et le consommateur. Alors, il y a eu quelques essais qui se sont avérés toujours, dans la plupart du temps, foireux. Mais voici un clip où on va retrouver dans ce clip pas mal de clichés de mimes. Thank you. c'est de la récupération de mime qui appartient avec ses propres codes à la communauté online. Et c'est complètement débile de se dire on va faire de la pub pour un produit en reprenant tous ces codes. C'est même un peu scandaleux. Alors, ça n'a pas été en tout cas très bien pris par la communauté online. Donc c'est un flop, ça ne sert à rien. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est quand certaines campagnes deviennent elles-mêmes la base d'un mouvement de mime. Je ne sais pas si j'ai le spot ici. Oui, c'est le spot de Old Spice que vous avez certainement dû voir. Pour la petite histoire, Old Spice, c'est une très vieille marque de mousse à raser et de savon et de shampoing et de gel douche qui était utilisée par les grands-parents il y a très longtemps. Et puis qu'ils ont essayé, suite au succès de Axe, ils se sont dit on va relancer la marque, mais on ne va pas s'adresser directement aux jeunes ados, on va s'adresser d'abord à une tranche d'âge un peu supérieure, et on va s'adresser à la femme. Et on va mettre en avant un mec bombastique qui va dire à la dame, vous rêveriez que votre homme me ressemble, pendant il ne me ressemble pas, par contre il pourrait sentir comme moi. Donc achetez-lui le même shampoing, le même gel douche, comme ça vous pouvez fantasmer et ce mec me ressemblera. Donc, stratégie assez intéressante qui était partie d'une étude qui prouvait que dans la plupart des ménages, c'est la femme qui est responsable de l'achat du gel douche et du shampoing que l'homme va utiliser. Regardons ça. Hello ladies, how are you? Fantastic. Does your man look like me? No. Can he smell like me? Yes. Should he use Old Spice body lotion? I don't know. Do you like the smell of adventure? Do you want a man who smells like he can bake you a gourmet cake in the dream kitchen he built for you with his own hands? Of course you do. Swan dive into the best night of your life. So ladies, should your man smell like an Old Spice man? You tell me. Hello ladies, look at your man. Now back to me. Now back at your man. Now back to me. Sadly, he isn't me. But if he stopped using lady-scented body wash and switched to Old Spice, he could smell like he's me. Look down. Back up. Where are you? You're on a boat. The man your man could smell. What's in your hand? Back at me. I have it. It's an oyster with two tickets to that thing you love. Look again. The tickets are now diamonds. Anything is possible when your man smells like Old Spice and not a lady. I'm on a horse. Hello, ladies. By 2011, the man your man could smell like had become so widely popular that fans passionately protested whenever Old Spice tried to use a different spokesperson. Instead of fighting this, we decided to capitalize on it. Tropical Freeze! We launched a TV, print, and digital campaign featuring a new Old Spice guy. When Fabio eventually began insulting the Old Spice guy... Knock, knock, who's there? It's the Old Spice guy with small muscles and small face. Fans became increasingly angry and demanded the return of their hero. Look how old he looks. He's like 90s. Dudes don't like Fabio, man. Seriously, they really don't buy your shit now. That's when Fabio did this. Fabio challenges you, Old Spice guy. 9 a.m. tomorrow, internet. For 2.5 days, they accepted challenges from fan tweets and comments and fought back and forth in real-time YouTube videos, allowing fans to choose the most worthy Old Spice man. Enjoy this trip! And this is how we read. Enjoy! Congratulations, it's a fabulous win. They also battled in other social communities, animated GIFs, and even local news weather forecasts. So tonight, sit back in a pair of soft, comfortable pants and enjoy Lowe's in the 50s. Although the new Old Spice guy won over many fans, the public declared the old Old Spice guy victorious. Then we allowed a Twitter follower to suggest how Fabio should be punished for his insurrection. Here, hold this one. With 700 million earned media impressions and 21 million YouTube views, Old Spice became the first brand in YouTube history to have two of the top four branded channels simultaneously. Bon, bien ici que la marque comprend bien comment jouer avec sa communauté, faire en sorte qu'elle puisse participer. On l'a vu brièvement, je n'ai pas tous les prints, mais il y a eu un mouvement de mime qui a été créé sur le Fabio en question pour le ridiculiser. Et donc c'est une marque qui n'a pas récupéré tous les codes, qui s'est inscrit là-dedans et finalement la communauté a joué avec ça. Donc c'est très différent de la boisson multivitaminée que vous avez vue auparavant, parce que cette marque ici, Old Spice, a une tonalité et comprend les codes de la jeune génération et crée en fait un discours publicitaire complètement différent. Et on est, nous, en tout cas, assez admiratifs de ces marques qui trouvent cette tonalité qui n'est pas évidente à trouver. Juste pour plaisir, d'autres exemples. Bon, ça c'était l'original, 39 millions de vues. Keyboard cat does it perfectly. Wonderful pistachios. Get cracking. Center, vous allez retrouver évidemment tous les mimes du moment, les vues partagées. Et justement, vous savez, on regarde souvent dans les agences ces phénomènes-là, on est très admiratifs. Ça marche bien. On est très admiratifs de la créativité qui existe chez des non-professionnels. Et c'est plutôt pas mal. Alors le meme vidéo par excellence, c'est évidemment le Harlem Shake. Il y a eu une tendance avec le défi, le challenge monkey, mais ouais, ça c'était quand même pas mal. Con lo terrorista. Bonne soirée.